قال وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité الشهادة, il a cité la condition et il a cité la récompense. Enfin, t'as trois choses. La récompense, c'est le Jannah. Pour rentrer le Jannah, l'insan, il est obligé de mourir à la hadith shahada à la tawhid. Ce tawhid, il sera valable qu'avec cette condition, al-yaqin. Et bien sûr, avec la condition qu'on a citée avant, al-ilm. Et celui qui a l'yaqin, il a l'ilm. L'ilm, c'est un niveau en dessous de l'yaqin. L'yaqin, c'est plus haut. Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah biha abdun ghayra shakin fiha illa dakhala al-jannah. Donc celui qui prononce la ilaha illallah et il est sûr, il a la certitude avec toutes les autres conditions qu'on va voir et il l'applique, fahada il est min ahli al-jannah. Fa'ida par rapport à dukhul al-jannah, qala al-shaykh al-allama Muhammad Aman rahimahullah, إلا دخل الجنة من أول وهلة إن كان من أصحابها من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب أو يدخل الجنة بعد التطهير أو بشفاعة الشافعين قبل دخول النار أو يدخل بعد التطهير لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا الطيبون. فسن فائدة طيبة أن الموحدين درجات الموحدون ils sont pas tous au même niveau. من الموحدين ils vont rentrer في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم celui qui meurt على لا إله إلا الله et il est على يقين il est على علم دخل الجنة. بعضهم أي من المؤمنين ils vont rentrer في الجنة بلا حساب ولا عدل, sans rendre de compte, sans se faire châtier. هؤلاء c'est الخلص من الموحدين كما في حديث ابن عباس يدخلون من أمة 70,000 بغير حساب ولا عدل. الحديث il est في كتاب التوحيد. فهؤلاء ils rentrent directement الجنة. من المؤمنين أنهم يرنتخون في الجنة لكن pas directement. لماذا؟ لأنهم ils ont des péchés, ils sont morts على التوحيد لكن ils ont des péchés, فالله سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم et ils rentrent في الجنة وإن شاء عذبهم يطهرهم في النار. Ils rentrent في النار pour une durée déterminée لأنهم ils ont commis des péchés, des fautes, des مخالفات ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. فالدخول دخول الجنة ça peut être un دخول directement sans passer par le nar et ça peut être un دخول après un passage في النار عيادا بالله. Ça montre l'importance de suivre sunnat النبي صلى الله عليه وسلم, ça montre l'importance d'appliquer التوحيد, ça montre l'importance de s'écarter des péchés. لماذا لأن ce hadith et plein d'autres qui montrent أن الموحد يرنتخ في الجنة et t'as plein d'autres hadiths et des ayats أن celui qui tue un mu'mina justement, il va finir nar. Celui qui fait telle chose, il va finir nar. Celui qui parle sur les gens, la médisance, il va finir nar. Beaucoup d'ahadith, فَالْجَمْعَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الدُّخُولَ مِنْهُ دُخُولَ أَوَّلِي أي directement وَمِنْهُ دُخُولَ بَعْدْ مُدَّ أي après un passage finir nar عِيَدُمْ بِاللَّهِ. هذا c'est important لأن بعض الظلال من الخوارج يعتقدون أن celui qui fait une kabira min al-kaba'ir, fa il rentre fin nar, il sort plus. Hada c'est khata. On a ce délit. Celui qui meurt ala la ilaha illallah, il est ala yaqin, il est ala ilm, il rentre fin jannah. Ça c'est un rat ala al-khawarij. Et t'as un autre groupe min al-dhulla, wa hum al-murji'a, annahum ya'taqidun anna la yadhur ma'a al-iman dhamb. Même si il boit de l'alcool, même si il fait zina, son iman il est kamil, il rentre obligatoirement fin jannah, sans passer min al-nar. Hada c'est batil. Et al-haq c'est entre les deux, al-tafsil. كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى يبعدن بالشرك سموت خلنا المشرك إلي في النار إيه غنطخ الجمع الجنة. كما قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. celui qui meurt على الشرك الأكبر الله lui interdit الجنة. Il a fait des a'mal, là. Il a fait salat, il était tayyib avec les gens, il avait un bon comportement, ça lui sert à rien. Il est mort à la shirk al-akbar, fait il est fin nar. Bien sûr, nous, dès qu'on parle un, c'est des ahkam mutlaqa, am. On ne parle pas cas par cas. Là, on parle en général. Fa al-mu'min al-mu'hid, il rentre forcément al-jannah. Dakhala al-jannah. Lakin, est-ce qu'il rentre directement amla? Fahada, c'est par rapport à ces hommes. Amma al-muwahidun al-khullas. Kama jaa fi hadith ibn Abbas. Alladina la yaktawun wa la yastarqun. Wa ala Allah yatawakkalun. Ha'oula, ils ont placé leur confiance en Allah. Ils demandent pas le ruqya. Ils pratiquent pas le kay. Une façon de se soigner avec le feu. Tout ça, ils le délestent. Pourquoi? Parce qu'ils sont mutawakkilun ala Allah. Ha'oula, ils ont un haut niveau fi tawhid. Ils rentrent fi al-jannah directement. Amma les autres, ça dépend. Wa ala kulli hal, s'il est mort ala tawhid al-khalis, et bien sûr il a appliqué ses conditions, fahada inshallah il rentrera fil jannah wa la but, que ça soit directement ou après. Ça montre fadl al-tawhid et en même temps ça montre la gravité de l'ma'asi. Li'anna an-nar, c'est pas simple. An-nar, c'est pas simple. Al-an ta'ammal, là où tu te brûles avec quelque chose, farubbama tat'ab. Ou si on t'enferme dans un endroit 6 mois, 1 an, 2 ans ou akthar, tat'ab. An-nar, c'est pas simple. L'insan, il place sa confiance en Allah et il yabta'id min al-ma'asi. Et il fait tout pour obéir à Allah Azza wa Jalla et Allah subhanahu wa ta'ala yuhib al-muttaqi. Fahada, par rapport à qawluhu, dakhala al-jannah.